100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après Diffou de la Radio Libre et toute l'équipe. Là, c'est parti pour du son 100% rap français avec évidemment des extraits des chroniques du Wati Boss volume 2. On écoutera aussi en exclu le morceau qui a été fait en live dans Planète Rap, celui de Maskai à bout de bang. Je vous repasserai ce moment-là lorsqu'ils sont venus mercredi dans l'émission entre 20 et 21 dans un instant. Et puis sinon, plein d'autres nouveautés du son de la Fouine à découvrir sur Skyrock à sauce de Malfra aussi. Le nouveau son de Rof, il a balancé un freestyle certifié par la street. On pourra écouter ça d'ici quelques minutes. Et là on débute avec les chroniques du Wati Boss volume 2, un extrait où on retrouve d'ailleurs sur le morceau que je vais vous passer maintenant Elio Petrodollar et JR au chrome 100% Planète Rap au boulevard de la MKZ Productions au boulevard de la Dans ma tête, je suis déjà vieux, je sais même plus pourquoi j'ai la haine. Le soir, je demande pardon à Dieu. Le lendemain matin, je fais la même. Depuis petit, je vis la nuit. La lune est devenue mon soleil. Pour résoudre mes ennuis, je réfléchis même dans mon sommeil. Je joue les gangsters, mais ces gars sont innocents. La rue nous respecte parce qu'elle a vu pour l'innocent. Habitué au risque, on a perdu les notions. Anesthésie au shit, on a même plus d'émotions. Perquise, expulsion, chez nous c'est la routine. Maîtrise tes pulsions, vénère la poutine. Plus que Marley, mène la vie de Marlo. Arrête de parler, ça c'est l'amour par lui. 10, pas du 6, sur scène on fout le feu sans artifice. On aime les poulets que dans les boîtes de 6. Si personne te drague, y'a que les balles qui tiffent. Les familles et les toxicos dans l'espoir. Les mineurs bourrés cachés dans l'espoir. C'est pas un son, c'est une pensée de notre histoire. Et si la jalousie a égorgé l'espoir. J'habite, j'hésite dans les 64. C'est la haine, la haine. Au fond, c'est merde, des chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'habite, j'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Au fond, c'est merde, des reins. Chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. C'est la haine, c'est chaud, on fausse des merdes, des reins. Chacun son pécule, c'est comme au Carla. C'est la vente de stup dans tous les quartiers. Désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. Pour un mec sous qu'un carache le terre-terre. Quand la dalle qui fausse au dépôt, son casse-dalle. Pour un mec du tout, comme ma belle fille sous. Qu'on essaie du sang, mais pire qu'un cartage. Dans la ville on va lutter, dans la ville on va nuire. Dans ma ville, c'est spé, claquer déséquilibré. Des pas demander la break, des recours sous les pieds qui disent comme t'es porc. Mais qu'on rien à célébrer. Pour un mec que jamais fait de sport, les basanés qui tordent. Des Sénégalais régalés, qu'on la force à musclore. Dans nos rues, c'est folklore, mais j'ai vu des bygores. La famille, c'est pas du chine, j'ai ta pas de popcorn. Hey, tu veux test, mais la clique vient du mordor. Wati B, tu les gros sur un hors-bord. PS bar blindé comme les transports. Les couches lasses dans la net et c'est non-stop. Les quêtes plates dans les yeux, mais tu sens fort. Des 1-1 à la rage, mais sans combox. Le vacarme et les nuits sont sonores. Si t'entends plus de bruit, c'est la pause cop. Zard dans la nuit, je suis dans les pattes sous. Brusqué, ça, son euro ressemble à celle de Brooklyn. Père, qu'on est bourré de gonfler les courses. Ensuite, pour toi, les nazos canons s'y est calé. Baisse comme un que mec a pété les ponts. Chez conquête, peu qu'on a quitté la rue des banques. Qu'est-ce qu'on se lève, y'a qu'avoir le fond des bâtiments. Gros, c'est la fin du gain qui nous a dit de raqueter les banques. J'traîne ma couleur et ben time, mais j'ai fait la guerre en marche. Plus des kilomètres pour faire les millions de billets. Gastra les BPM, cash, t'aimes aller des gaines. Black, on est prolétaire, crash, mais c'est dans les bêtes. J'hésite dans les 64. C'est la haine, la haine. Propos de merde, hey, chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Propos de merde, hey, chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Propos de merde, hey, chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Propos de merde, hey, chacun son pécule, c'est comme au Carla. J'hésite dans les 64. C'est la barre de la haine. Dans tous les quartiers, désolé, monsieur, là jamais j'ai pas la blague. Rap français, yeah. 20 octobre, espace-temps dans les bacs. Mascar, si t'as déjà parlé au poste, hein. 1 yeah. Si t'as déjà parlé au poste, hein. 1 yeah.

Juni Babe rap depuis le survêt trop go. Un dernier pour la route, je t'accompagne aussi ce gros. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Saha, Artex Saha, Artex Saha. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. J'ai plus le temps sur ma big face. J'vois leur sale face. J'pars de pas grand chose comme dans Scarface. Là où tu traînes pour un bout de terrain, tu te fais rafaler comme en Ukraine. Quoi de neuf, j'ai en nouvelle. On a pendu Saddam Hussein. J'enterre mon blé dans le jardin, car on récolte ce que l'on sème. J'ai marché dans la mer, oups, j'aurais marché dessus. J'ai craché dans la soupe, eh, j'aurais pissé dessus. Et je suis toujours debout comme une bécane. Tu veux clasher, vas-y décale, décale. Trop de la mer, petite interview V, faudrait ressusciter radical. Red Bull, vodka, Hilton, vodka, Warren, Darbrida, CDC, Fit, Varane, Pogba. En cellule j'ai trop rêvé, la chatte à Beyoncé. Cette huit longueurs d'avance, j'ai pas le temps de pioncer. Tous mes robes comptent sur moi, tous mes renois comptent sur moi. En plein été, on bute de sang-froid. Tous tes renois crachent sur toi. Si c'est de l'or, j'prends sur moi. CDC censure pas, nouveau crime signé Fouinla. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled, le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. Mes gars tirent pour moi, mon avocat parle pour moi. Robe mon banquier compte pour moi. Au bled, le daron compte sur moi. Artex Saha, Artex Saha, Artex Saha. Les gars, les gars. Rap français 100% explicite lyrics la nocturne. RR music, c'est ça le biz, c'est ça le biz, c'est ça le biz. Tu connais tous mes niggas, ma clique, mes renégats. Dans le club on nous met bien. C'est ça le biz, bouteille et bitch, gros chaîne qui brille. Tu connais tous mes niggas, ma clique, mes renégats. Je suis dans le club, on nous met bien. Posté dans le bloc avec tous mes gars. À la Capone et Noriega. Bouteille de Siroc, boule méga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Chaga. Kamasutra, Krav Maga. 47 AK. Hagla sur Hagla. RRM, flow, swaga. Toujours avec Nago du 9-4. Bonnie qui roule des ouinches qui te frappe. On fait du chiffre, nous ton convisère. Le deal c'est de vendre des disques, quitter la misère. Soldat à la base, à la racine écrase. J'ai gagné mon respect d'étage en étage. Je fais plus la queue quand je rentre dans le club. Je les ramène dans les chiottes, on attend encore. Trop d'ambition pour une seule vie. Pour un seul négro, trop d'ennemis. Classique, encore un classique. Signé Green Fantomatique. RR Music, c'est ça le biz. C'est ça le biz. C'est ça le biz. Tu connais tous mes niggas. Ma clique, mes renégats. Dans le club, on nous met bien. C'est ça le biz. Bouteille et bitch, gros chaîne qui brille. Tu connais tous mes niggas. Ma clique, mes renégats. Dans le club, on nous met bien. X ma clique. X mon flow, suck ma dick, bitch, je suis chaud, c'est de l'impro. X ma kiff, X mon flow, suck ma dick, bitch, je suis chaud. Je roule à gros terre comme Nicky, on fume des gangsters dans mon sticky. Chez nous pas de balance, pas de bookie. Tous veulent jouer les boss comme Biggie. J'suis marié à la street. Si je meurs les yeux ouverts, boy click. Gros son dans le gamos. Gros flingue, grosse bastos. Je suis accompagné d'Humber. Lunettes noires, Stevie Wonder. Appelle-moi Wiz Khalifa. J'ai bombé en vodka. Donne un 10 à mes thugs. 10 dans le club, 10 bitch, give me love. Viens goûter cette chronique. Hydroponique. RR Music, c'est ça le biz. C'est ça le biz. C'est ça le biz. Tu connais tous mes niggas. Ma clique, mes renégats. Dans le club, on nous met bien. C'est ça le biz. Bouteille, bitch, gros chaîne qui brille. Tu connais tous mes niggas. Ma clique, mes renégats. Dans le club, on nous met bien. C'est la nocturne 100% rap français. Green Money, c'est sale biz dans la nocturne sur Skyrock. À venir, un son du ministère qui débarquera la semaine prochaine pour une nocturne exceptionnelle avec Stomy, Passy, le ministère Hammer. C'est la semaine prochaine, juste avant leur concert à l'Olympia le 22 septembre prochain. Soyez là, dites-le autour de vous, ministère Hammer, prochaine nocturne. Et juste avant, Lino et son nouveau son, c'est VLB dans la nocturne 100% rap français. Planète rap. 100% rap français. Yes. Woo. Yes. L 2 heures, gosse suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3 heures, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric, le béton crame en réplique. On les canne, lève le majeur. Faut niquer les rageurs. Faut sortir le croc au chargeur, plein dans les lots, gros naseur. Un autre, je prends de la largeur. Le filtre est maroco, la 90 Air Max, la joue Kaiser. S'oser les fumes maroco, je rappe à la faveur des halls explosés de nos vies low cost. Bavaria, alcool, blanc, rouge, navigator. Guerreville, si, commissariat, lâche la colle, donne le spliff sur mon alligator. Y'a des bouettes, survêtre, Roland Garros. Roule, fais les fils du carrosse, 20 gourettes, file à Châtelet, un col, 3 quarts, cuir et paulette, j'puis en vie, ça s'arrose. JM Weston, Scott Cosmos, Kaya 90s. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, l'état dramatique. Soirée coupe-gorge. Descente RERD, coupe gorge, bon puissant, pile à embrouille, pente glissante, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5, cartonné blanche basket, Fred Cartier, monture en bois. Grosse lancée, fly jacket, rat de quartier, tricard, traîne toujours en bas. Villian et Chirac, Manapani, l'escalampe et l'équipe à l'ancienne. Balade en équipe, presse, balance, du porte Calcani, Eli Hansen. White Rebook, classique, pas de bout, tu peux te faire droiter si tu l'abîmes. Ah, le coin est gâté, bip bip, moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon pop Lacoste. Viens, on va s'ambiancer. Copine, pose négro, faut d'arranger l'extincteur et la crosse. J'ai la belle droite. Yes, yes. Billie Jean, Billie Jean. Y'a ton Levis, les baskets blanches vidées. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Y'a ton Levis, les baskets blanches vidées. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Y'a ton Levis, les baskets blanches vidées. Get lost with it, get it, get it.

hella, mais où est oh? C'est le hella, hella, hella, mais où est oh? Shira, Shira, je vous mets off. Shira, Shira, Shira, et je vous mets off. Sortie de freine, dangereusement médiatique. Après la vidéo, on l'appelle celle de la boutique. Plante 5 à 7, ma selle, je fais patienter 7 à 8. Short d'été, Marcel, Zanouti, bracelet électronique. Malgré que la France était assez la Suisse, j'suis top 3. Je sors de l'ombre, amène du soleil, ça transpire des litres. Joue à cache-cache avec mes fils quand les peureux m'évitent. J'suis banquier, bel, fais péter le cash, même si tu m'invites. Choqué, estomaqué de me voir seul dans la street. Je passe de la Fiat Uno à la VV, I'm so dynamic. Je signe et persiste de leur espèce, c'est mieux que le fric. Pourtant j'ai plus fumé le mic que tu n'as fumé le shit. Je célèbre pas mes buts, je n'ai pour marquer. Arrive-moi là, je fuis avant de vouloir me tacler. Je te mets ta raclée. Je fais péter le cardio, trois tours du parc. Le négro lâche rien. Sparring, grappling, 12 rounds de sac. Le négro se tape bien. Trop de fouilles et de flow, un seul micro. Le négro rappe bien. Je fais le record du 100 mètres, 3 secondes. Ouais, ça démarre bien. Plus j'ai un talent, plus les ghetto youth seraient galants. Sur la talent, roue arrière en son galant. Wallahi, bilahi, personne n'est galant. Abdoulaye et Adama te le diront. Avec l'accent du Sénégal, hein. C'est pour mes deux. Du diamant, mes voyous, du fun raya. J'parle pas chinois, ça défouraille. Aïe aïe aïe, j'suis un relou, une galère, un cancer général. J'repasse une couche, j'suis en concert dans leur funéraille. C'est le hela hela hela, où est Rof? J'suis là, j'suis là, j'vous mets off. C'est le hela hela hela, mais où est Rof? J'suis là, j'suis là, et j'vous mets off. C'est le hela hela hela, mais où est Rof? J'suis là, j'suis là, j'suis là. Et je vous mets off. Allez, choisis Vitry, Créteil, Joinville, Ray. Première puissance de la capitale. Surnaturel, c'est le hella, hella, hella. Je vous mets off. Explicite lyrics nocturne. D.U.C. J'éclate tout sa mère à l'économie. IG, tu follow me. Fais l'action, bouche pleine de calomnie. Tariq, racla, oui. Le fion rempli de saloperies. Sarit, tagma, oui. Sac mortier, un cut d'un panoplie. Pillard, swallow me. Pendant qu'ils font belle à Annie, de n'avoir rien compris. Pas de dons pour le buzz. Parlons peu de nos œuvres. Révolution de l'over. Tu n'as que trois followers. Impuissant face à l'horreur. Les gouvernements sont des tueurs. Je milite pour mes proches. Au moins eux, je peux les sauver. Je laisse leur tâche à Dieu de dire qui est bon, qui est mauvais. Pour dénoncer atrocité, j'entends pas que ça passe à la télé. Ma life est d'humeur palestinienne, bien avant toi depuis destiné. Mon rap va à Costa del Sol, coffre chargé, prêt à voircher. Seul dans un linceul écarlate en portant mes couilles, j'aurais marché. Reste derrière ton PC, à refaire le monde et à rager. Je me suis fait dans la rue, qui va m'arrêter par la 3G. Je ne fais la guerre qu'au rappeur, ne cautionne la mort d'aucun enfant. Je suis lion de la terre en gant, fuck la souris, fuck l'éléphant. Je suis propre en liézard, back and city, arme de guerre dans mon placard. Fuck Mozart, mélodie noire, comme un grand Dakar. Les tonneaux vides font plus de bruit, les gros c'est ce que l'on dit. Livraison Lamborghini, allô monsieur Mariotti. J'décompresse au Kéodi, tu finis tes raviolis. Vu que j'suis dans le game, ton MC préféré passe sa vie au lit. Quand je leur dis de niquer leur mère, négro crois-moi je suis poli. Mon dernier single dans un char tombe dans les rues de Tripoli. Je ne fais jamais semblant aussi réel que l'avenir est sanglant. Parole de paix et de haine, enterre mon cœur dans un drap blanc. Mon rap à Costa del Sol, coffre chargé, prêt à brancher. Seul dans un linceul écarlate, en portant mes couilles, j'aurais marché. Reste derrière ton PC, à refaire le monde et à rager. Je me suis fait dans la rue, qui va m'arrêter par la 3G. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Ce c'est à l'aise, Kosinyama à l'aise, Kennedy à l'aise, toutes les banlieues à l'aise, à l'aise. Kamsès, Kennedy, Kosi, nous on fait du sale proprement. J'suis en mode crédit, les balances connaissent mon prénom. Oui, t'as le seum, vu que t'as ta spé, j'suis en crier mon nom. Pur produit de la street, tu me verras pas en uniforme ou en kimono. Patate dans ton oreille gauche, tu passes du stéréo au mono. Comme j'irai mania, mais c'est vira, nous on fait ça mollo mollo. 9-2, 9-4 énervé, retenez bien ses numéros. T'as une fiche, passe me voir, j'ai des papiers pour 1000 euros. Je te suivrai jusqu'à la mort, négro, crois-moi que tu vas raquer. Rien à foutre que tu sois stock, moi même Gérard est baraqué. Ne viens pas tester les hautes scènes, tu vas te prendre une raclée. Voilà tout comme ta raclée, ouya, tu seras réglé. Omenia Madouna, bang, en fait, Balinjinini. Mon flow, kin flow, pique, tout comme du pili pili. Patate sur le mur du son, c'est comme ça qu'on les punit. Je vais percer la route des longs comme le zen de Carbapouli. J'étais à sa calais, à l'aise, bouteille de sirop calais, à l'aise. Mon bar sur Péribalès, comme dirait mes potos de Belgique à l'aise, à l'aise. Tu sors du placard à l'aise, à l'aise. C'est une promenade à l'aise, comme Cristiano sur terre des râles. Si t'es une peur, à l'aise. Roma Soko à l'aise. Rome César à l'aise. Facebook, Twitter, Instagram à l'aise. T'es un rage à l'aise. T'es une meuf à l'aise. Snapchat à l'aise. Ramène une grosse pointe quand tu sais à l'aise. Transit du port, du hap, alléluia, j'touche du marbre. J'veux que mamie se porte le voile, le permis porte-arme. Descendant d'esclaves, futur roi, celle qu'on t'almage, j'ai char. J'les veux toutes pour moi, qui en calmé, calibré, cagoulé. C'est marrant de savoir que vent de la neige fait bronzer au soleil. Représentant attitré, j'me présente même hap. À cette grosse patte, quand j'tire un trait, il est jamais trop tard. Merde, on a bicrave la CC, on a bicrave du bédo. On a roulé en FT, on a roulé en lambeau. En lambeau, on croirait en maison de disque, mais non, c'est dosé grato. Dosé grato, j'suis pas trop Messi, j'suis plus Cristiano Ronaldo. Ronaldo, tu nous trouveras au de blé en période de Valka. De Valka, j'ai plus le temps de courtiser, j'ralade, je baisse, me casse. Une pour celle ou malin, MP bandito. Persuadé que plus y'aura de thunes, plus y'aura de cliché. Posé au quartier à l'aise, ça monte au bon chat à l'aise. Ma gueule de vodka à l'aise, au volant d'un gros gamos à l'aise. Levé en T-Max à l'aise, des bites de tosma à l'aise. Ça me fume, ça chicha à l'aise, entouré que d'avions de chasse à l'aise. Ça fait au couture à l'aise, mille beurre, mais renoir à l'aise. Séance de massage à l'aise, même armé en gauvage reste à l'aise. Tout sur un braco à l'aise, ça fait des euros à l'aise. Ça gère les mistos à l'aise, dans 16 gosses. J'suis rare ces derniers temps, plus de GAB que concert. J'ai une date pour mon jugement, j'ai pas de date pour mon projet. Petit me manque pas de respect, j'te nique ta mère devant ton père. J'manque à putain de rap français comme The Brahms manque au Poncès. J'aurais dû naître à LA, ATL ou Harlem. J'aurais signé chez Lil Wayne ou Gucci Mane à la Harlem. Du 9-4 au 9-2, on sait qui sont les vrais. J't'en colle une entre les deux yeux, ensuite bouffe un grec à l'Everest. Je transforme les pierres rouges en pierres vertes. Elle m'a vu sur M6, je suis le rappeur qu'elle préfère. Elle kiffe mon gros fer, j'kiffe

Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Beurette, tu fais Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Yama. JPZR, ça c'est mon blasme dans la ferme, ça c'est ma base. Tu vas l'hiver, je te base. Un peu de picard et je base. 92, tout sur nos traces. Ma signature, tac à la gorge. 5 du mat, ça pète tes potes. J'avance aux escapes. J'ai dit fait cause Yahweh. La rage dans nous, si tu savais. Mauvais en soi, Yama moto. Y'a pas photo. 9 de haute scène, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. 9 de haute scène, c'est la base. Moi je m'engraine et toi tu t'écrases. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, Boto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, Boto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. La tata, tu connaissais la street. 92 floqué, Real Madrid. On est OP si t'es sur dans tes feet. Gazi, Dja, tu le sens dans mes drips. A deux espouses, Nanterre, 9-2, cité rose. On fait la diff, on fait la diff, c'est pas haut comme dans Rose. Ramène tous tes MC, on va les grailles. On baisse tout mon gars car on a la dalle. Platata, on fait pas de détails. Beta, massas, on vous mitraille. On est hal, on va pas changer. Pour des tasses, paix ou des billets. 17 biches, ça n'a rien changé. J'ai évolué, poteau, t'es en danger. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, poteau, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, poteau, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Damn, it's a young Yahweh nigga. Yes, what it is. Back in the booth. Get these rats up and pass, get this cash out of trash. Put your cap if I'm back for the facts, I'm the truth. Flip that deuce, my combos niggas ratchet. Nigga got that juice, wet him like your pocket. Better split your tooth, get the loot in the loot to the roof. Cause I prove that I'm back like a rock. Benny Cassidy and Cozy, Ben and Double S. Throw your color coat to fall, all of my knuckles. Cheap is such a currency, you see we hustle best. Motherfuckers told you all my niggas straight local. Mad Mills in the building, welcome to the life. Shut the fuck up. You call it Platinum Underground, Platinum United. Paris International, Platinum, what's up? Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, poteau, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le frat, poteau, c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Ouais c'est ça la base. Beurette, Tispé, Renoir, Babdou, Gamos, Igo, c'est ça la base. Planète Rap, 100% rap français. Ma tournée, c'est pas ma volonté. Donc on ne bouge, j'ai perdu mon temps. Je veux faire des sous, je veux faire des montants. Comme un seul tout, vous trouverez mon clan. Ton seul talent, c'est sucer mon gland. Stop le peur, tu nous fais débander. Presque ta mère si mes yeux sont bandés. Derrière, devant, de partout, je vais rentrer. Vous allez vous cambrer. Tenez vos gants, perdez vos os. Une fois que j'ai crassé, je fais dodo. Tu vas comprendre que le rap, c'est haram. Alors après mon douze, je m'en vais pour faire l'odo. Merde, me suis c'est là. Mais tu, car ça c'est là. À coup de... On va te faire là, arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Fais là, fais là, fais là,

100% rap français, planète rap. La Nocturne. OMNP, citron caviar dans La Nocturne. À découvrir maintenant, envoyez les messages 41759. Dites-nous ce que vous pensez des sons de La Nocturne sur Skyrock. Ok. Premier pas dans le pays des jolies femmes et tout 15 jours, donne-moi une flamme et un billet. Que je te chante, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Les yeux brillés, loin d'être aveugle, ni muet. Mon ancêtre, le Cambodge, veut que je pleure, les frères sacrifiés. J'ai le sang chaud, ça c'est mes gènes, Philippe Hénaud. Je cogne avec ma plume comme un combat de Manny Pacquiao. Oh, oh, c'est one love, c'est one blood. Je rappe, je chauffe le coin, partout dans le club. Oh yeah, parce que Marine, c'est une folle, elle veut qu'on parte de la France. Hussein Bolt. Je suis jaune, je suis noir, blanc éclairé. Ouais, mon ciel sera bleu s'il pleut des billets verts. Américain, dès mon premier Peura, dès mes premières Jordan, génération Obama. Señorita, on vous le va danser sur la plage. De Paris à NYC, je vois le monde comme mon village. Ma carte d'identité, c'est pas l'uniformité. Moi, monsieur l'agent, n'essaie pas de me contrôler. Tous des étrangers, c'est trop joie. Trop d'absurdité pour un bout de papier. Je représente des minorités. Franchouillard, j'aime le vin, pas le pétard. Comme beaucoup de banlieusards, non sur Paris, je suis fêtard. Dans ma tête, y'a tout un tas de pays dans mon histoire. Je commence par la France, cette mère qui m'a donné la chance de m'exprimer devant vous. D'être un de ces zoulous qui rappe sur des sons lourds avec une voix chelou. J'ai grandi à La Réunion, j'ai appris à vivre cool. Je suis pépère, je suis pas rasta, mais faut pas me casser les couilles. J'ai le regard glacial, Ruskov c'est mon avatar. Je me fais rare dans les sons, mais apprécié comme le caviar. Ne me colle pas de drapeau. Je suis citoyen du monde, mais pas de couleur à ma peau. Je suis citoyen du monde. Ma carte d'identité, c'est Marianne, c'est Marika. C'est le reggae, c'est le ska. One love for Jamaica. C'est la street, c'est les Quinry. C'est Tupac, c'est les Thugs. C'est aussi le rock anglais. Les Stones, c'est les Beatles. Ma carte d'identité, c'est pas l'uniformité. Moi, monsieur l'agent, n'essaie pas de me contrôler. Tous des étrangers, c'est trop de joie. Trop d'absurdité pour un bout. Je représente des minorités. Me parle pas d'insécurité. La terre c'est mon pays. Je fais pas la queue à la mairie. Je rêve de liberté, de m'arracher loin d'ici. Mon hip-hop est venu d'au milieu de nulle part. Il vient de la rue et c'est à tous qu'il parle. Il passe les couloirs et rêve de grandes avenues. Il évite les impasses comme dit Guéry, t'es prévenu. Mon hip-hop est venu d'au milieu de nulle part. Il vient de la rue et c'est à tous. Il écrit des impasses comme dit Guéry, t'es prêt. Ma carte d'identité, c'est pas l'uniformité. Moi, monsieur l'agent, n'essaie pas de me contrôler. Tous des étrangers, c'est trop de joie. Trop d'absurdité pour un bout de papier. Je représente des minorités. Me parle pas d'insécurité. La terre, c'est mon pays. Je fais pas la queue à la mairie. Je rêve de liberté, de m'arracher loin d'ici. OMNP, ma carte d'identité à l'instant, extrait de citron caviar. Silex à découvrir. Planète Rap. 100% rap français. Ce soir on est sorti, chaque billet claqué, de la tête amortie, tout serait. On envoie la haisse dans les orties, pessant avec trop de style. Inch'Allah que les videurs ne soient pas hostiles. Poche arrière, liasse de billets verts, Porsche Cayenne. Direction la capitale de la France, et michto de la délinquance. Tu veux pillage, si tu grimpes dans le bolide, t'as de la chance. Puis des toits à Grigny, on récupère The Map, puis Belleville pour sous VPR. Laisse monter la SEMA, copine. T'es un avion de chasse, mini mini jupe, t'as les fesses à l'air. T'es un déhanché pour le videur, si on rentre, on claque son salaire. Il a tenté de faire le show, c'est une fausse alerte. Commence à te déhancher, on remballe. Ce soir on claque que des billets de 100 balles. T'as trop pillage, gros, tu te sens mal. Mais parle bien que des paires de couilles dans les sons cales. Cherche des loups, t'as vip.

Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'alien. Troisième enfant d'une grande famille malienne. Né à Barbès, métro Château Rouge. Père ne boit pas de rouge. Mère sous sa blouse de ménage. Allez, je tout rouge. 5 dans une pièce, c'est la Hesse. On rêve que la mairie nous aide tous dans une thèse. Un jour arrive une lettre, maman l'ouvre pendant qu'elle allaite. Père inalphabète, qu'elle traduit le texte, peut-être un de pièces. On s'installe, Boulogne bien court, tout est calme. Les autres y cannent sur les marques, mes habits en cours. Cash et compris que l'argent rendait plus mignon. Moi je suis tout noir, pas les moines, m'acheter du chevignon. Avec maman, on va faire les courses, le riz et les couches. Malgré son salaire, une friandise, ça me touche. Un client raciste regarde les filles qu'elle touche pour ne pas prendre les mêmes. Voici l'histoire de l'alien. Niggas wanna stick me for my paper. Living in a ghetto, trying to get the hell out. 13 years in the project, only the strong survive. Niggas wanna stick me for my paper. Living in a ghetto, trying to get the hell out. 13 years in the project, only the strong survive. À l'école, je me sors pas les tripes, donc papa me cogne au fil électrique. Maman s'y colle, m'aliène et l'éducation de ta vie vient les caleçons. Ça pue la tacatine, le jet, dis les allocations. Maman, sois pas attristée. Si ton fils devient pas architecte, c'est pour toi que j'ai écrit ce texte. Dans la tristesse, t'as lavé des chiottes juste pour m'acheter un yop. Plus tard, je vendrai du shit et j'achèterai un yacht. Mais pour l'instant, je suis qu'un môme. J'ai des kilomètres de rêve dans mon sac à dos. À l'école, je me tape souvent les couères, m'appelle Mikado. Si un jour tu croises le père Noël, bras cru ses cadeaux. Ce vieux scato a mis de la coupe, moi dans mes sabots. Parqué au fond de la cour d'un immeuble complètement claqué. Père est boueur et une mère qui lave les parquets. Dans mon histoire, aucun alien n'a débarqué. Laisse-moi t'y embarquer. Niggas wanna stick me for my paper. Living in a ghetto, trying to get the hell out. 13 years in the project, only the strong survive. Niggas wanna stick me for my paper. Living in a ghetto, trying to get the hell out. 13 years in the project, only the strong survive. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de plus que moi? Une gamme boy de l'argent de poche au début du mois. À 12 piges, pars en couille, vole en réunion. Père Kiz, mère triste, père Chris. Son bâton se brise sur mon dansant. Je crois que j'ai la juge pour enfant. Je rêve devant des sentiers, le fond de ma poche, quelques centimes. Je vole des piles, des écouteurs. À la maison, les problèmes s'empilent. Donc je passe au scooter. Mon premier coup de cœur à poil au fond d'un bunker. Frottage de chou-fleur sur mon bout de queue. Rouge cœur, la vie est une fleur qui fane à cause des douleurs. Arrange-la de bifel, reprendra des couleurs. Je m'en bats les couilles, mon hier, des racines carrées. Ça pue l'échec scolaire, la maison tarée. RAT, 2-2, on est tous tarés. 17 piges, prends le mic, ils sont mal barrés. I wanna make money, so I gotta pay for it. Niggas wanna stick me for my paper. I wanna make money, so I gotta pay for it. Niggas wanna stick me for my paper. I wanna make money, so I gotta pay for it. Niggas wanna stick me for my paper. I wanna make money, so I gotta pay for it. Niggas wanna stick me for my paper. Wanna stick me for my paper. Dans ce putain de monde, on nous passe de belles paroles. C'est à croire que la poisse se calcule comme des idoles. Je suis toujours au pays pour dire ce que t'as du mal à voir. Rapper ce que t'as du mal à dire, dire ce que t'as du mal à voir. Les miens se serrent les coudes pendant que les poucaves se serrent les couilles. Les enfants, allons-y verser vos douilles. Ici c'est Bagdad, il est temps d'assumer. Tourne pas le dos une tasse, tu risques de te faire fumer. J'ai depuis Mérine, Paname et ciblé. Je vois mes frères qui s'entoulent, mais mes frères on ressort liés. Copain de gosse dans les halls, finissent la bouche dans le crack. Manque de thunes, ça se termine par une balle dans le crâne. Au Valmont, dis-moi bien, j'aimerais le savoir. Je fais partie des vérités, alors n'aie pas peur dans le noir. Ne recule pas, c'est soit tu vises et tu plombes. Pour elle tu ne résisterais pas une seconde. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Les pleurs des mères par amour pour leur fils, cela c'est l'humilier. Je n'ai jamais voulu croire à ma paix. Hors de question de finir mort avant de les avoir pliés. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Les pleurs des mères par amour pour leur fils, cela c'est l'humilier. Je n'ai jamais voulu croire à ma paix. Hors de question de finir mort avant de les avoir pliés. Les trois quarts des rachis prime pour des bonhommes. C'est à croire que mon place te descendra au minimum. Je suis toujours OP quand il s'agit de te remettre en place. Rapper ce que t'aimerais nous dire, dire pour lui qui est dans ta race. Manque de cesse, tu pètes ta cape, t'aimerais redescendre. Tu t'imagines dans un seul caricature indécente. T'aimerais remonter la pente, mais tu n'y arrives pas. Tu collectionnes les trophées en mettant ça autour du bras. Tu crois que t'es thug, tu crois que tout le monde te respecte. T'es juste victime de ton succès, t'en parles aux inspects. Tes yeux se couvrent de peur quand tu croises la mort. Tu psychotes, t'as peur, tu sais très bien que t'as tort. Tu laisses le temps devant les heures, tu comptes sans cesse le temps. Le canon vers le cœur, le cri de la faim se ressent. Ne recule pas, c'est soit tu vises et tu plombes. Pour elle, tu ne résisterais pas une seconde. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Les pleurs des mères par amour pour leur fils, cela seul humilié. Je n'ai jamais voulu croire à ma paix. Hors de question de finir mort avant de les avoir pliés. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Les pleurs des mères par amour pour leur fils, cela seul humilié. Je n'ai jamais voulu croire à ma paix. Hors de question de finir mort avant de les avoir pliés. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Non, c'est bon, je n'ai jamais voulu croire à ma maman. Avant de les avoir pliés. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Les pleurs des mères par amour pour leur fils, de la seule humiliée. Je n'ai jamais voulu croire à ma paix. Hors de question de finir mort avant de les avoir pliés. Je n'ai jamais voulu croire à leur rêve. Pour mes frères, c'est la nocturne. 100% rap français, Begin. J'ai jamais voulu croire. Hades, propre poteau. Allez, on part à une session classique. Ministère Hammer, il débarque dans une semaine. Passis, Tommy, c'est eux qui prendront le contrôle de la nocturne juste avant l'Olympia du 22 septembre. Session avec Passis, Tommy et le ministère. Planète Rap, 100% explicit lyrics. Classic shit. Ah putain, je suis fatigué. Il nous en reste combien d'écouteurs? Vas-y, bon, la suivante, allez-y. Les rats aiment l'Alaska. Attends, hey, y a eu un Larsen là, coupe la musique, recommencez bien. Bien, mais ouais. Faites-le bien, à l'aise. Vas-y. Attends, je suis fatigué. Les ratés, les mecs, essayez de ça là. Dites-moi, c'est qui a ramené ces pétasses. Tout simplement. Ah, attends, viens, laisse encore une chance. Vas-y, rechanter. Ça va plus, là. Les ratés. Allez, dégage. Allez, arrête. Laissez-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, Tommy. Ils reviennent plus. Laissez-les, vous êtes des salauds. Allez, meurs du boulevard net. Et deux pour les rats, trois, voilà, missiles, misto, décontractés, pour tout compter.